Chapitre 12e. Wilbert avait joué d'une façon si remarquable son rôle d'étranger, d'homme riche ne sachant que faire de sa fortune, de pigeon tout disposé à être plumé, que Pélagie Lermont s'y laissa prendre. Rien de moins extraordinaire, du reste. Les femmes, à la mode dans un certain monde, comme Pélagie, ont rencontré dans leur vie tant de petits jeunes gens, d'hommes mûrs et de vieillards ridicules. Elles ont vu faire tant de folies pour elles et autour d'elles, qu'elles en arrivent à mépriser souverainement l'espèce humaine et à ranger tous les hommes dans la même catégorie. Elles ne voient dans tout individu nouveau qui se présente ou qui leur est présenté qu'une brebis destinée au sacrifice après avoir été suffisamment tondue. Aussi, dès que Wilbert l'eut quitté, s'empressa-t-elle de convoquer le banc et l'arrière-banc de ses amis. « On prendra le thé ce soir chez moi », écrivait-elle, ce qui voulait dire, ainsi que nous l'avons expliqué, « on fera un lansquenet ou bien on taillera un baccarat des plus animés ». À 10 heures, 5 ou 6 des plus intimes amies de Pélagie étaient déjà réunies dans son salon. C'étaient de jolies femmes et des joueuses émérites. Elles ont un peu vieilli depuis l'époque à laquelle se passe notre action. Quelques-unes même, à force de naviguer sur l'océan parisien, ont fini par sombrer corps et biens. Mais d'autres ont échappé à tous les naufrages, sont parvenues à se créer des existences somptueuses et jouissent encore d'une certaine popularité galante. Tout provincial et tout étranger qui fait son premier tour au bois, de 3 à 5 heures, ne manque pas de se les faire désigner par son cicérone. Tel le voyageur qui descend le Nil interroge ses guides sur les antiquités égyptiennes qu'il rencontre. En attendant que l'heure fût arrivée de songer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de dresser les tables de jeu, les amis de Madame d'Hermont, qui n'étaient gênés par la présence importune d'aucun étranger, causaient entre elles. « Il me semble, disait Adélix, une joueuse charmante celle-là, ou plutôt un joueur, car il joue comme un homme et paie ses dettes avec une régularité exemplaire. Il me semble, ma chère Pélagie, que nous ne devions pas nous réunir cette semaine. En effet, mais il s'est présenté aujourd'hui l'occasion de faire une belle partie, et je me suis empressé de la saisir, persuadé que j'étais de vous être agréable. Sans doute, s'écria-t-on en chœur. Qui attends-tu donc ? Demanda Armande, jolie brune, très à la mode alors. J'attends, répondit Madame d'Hermont, le petit de Fontelle que vous connaissez toutes. Oh ! « Je ne joue pas avec lui, dit Adèle. On a toujours des désagréments avec les mineurs. »« D'abord, ma chère, réplique un peu sèchement Pélagie, on n'est jamais exposé à des désagréments chez moi. Ensuite, la personne dont je parle n'est plus mineure, en voici la preuve. » Pélagie prit sur la cheminée une lettre imprimée dont elle fit la lecture à haute voix. Le baron Arthur de Fontelle a l'honneur de prévenir ses amis, ses maîtresses et ses fournisseurs qu'il atteint sa majorité le 10 courant. Ses amis peuvent donc impunément lui gagner de l'argent au jeu, ses fournisseurs lui faire crédit, ses maîtresses le ruiner. Le baron Arthur de Fontelle est dorénavant seul responsable de ses actes. En attendant qu'on lui donne un conseil judiciaire, ce qui ne tardera pas, fit observer en riant Armande, tandis qu'on se passait de main en main cette étrange circulaire. Nous voici rassurés quant au petit baron, reprit Adèle. Qui attends-tu encore ? Cordier. Oh ! Fit une blonde, appelée Antonine. « Celui-là ne compte pas. Il vient invariablement avec Saint-Louis et s'empresse de prendre la fuite lorsqu'il les a perdus ou triplés. Aussi, n'est-ce pas comme joueur que je l'ai invité, c'est comme tapisserie. Il garnit la table. J'attends aussi Cravoisier, le gros Calvet et le vicomte de Bonne. À la bonne heure, s'écria-t-on, voilà des joueurs sérieux. Je prévois qu'on ne se quittera pas avant 10 heures du matin, fit Armande. « Peu m'importe, répondit Adèle, j'ai pris mes précautions. J'ai dormi aujourd'hui jusqu'à 7 heures du soir. » Une Italienne, arrivée depuis peu à Paris, et que sa surprenante beauté avait déjà mise en grand renom, prit la parole. « Pélagie, fit-elle observer, nous a parlé jusqu'à présent de personnes que nous connaissons en merveille. Mais n'avait-il pas été question de certains étrangers ?»« Je le réservais pour la fin, » répliqua Madame d'Hermont. « Il s'agit justement d'un de tes compatriotes, le comte de Rubigny. Je ne le connais pas, mais nous font connaissance. Il est riche. » Très riche, paraît-il, et je le crois aussi simple que riche. C'est mon affaire, alors, dit naïvement la blonde Antonine. Je réclame l'étranger. Et Savary ? Demanda tout à coup Armande. Ne le verrons-nous pas ce soir ? Au fait, mon petit Albert, on ne parle plus de lui. Que devient-il ? Dit Adèle. Je l'attends, répliqua Madame d'Hermont. Il a été souffrant depuis sa mésaventure, et il sort aujourd'hui pour la première fois. Pauvre garçon, il y avait en effet de quoi le rendre malade. Se voir accusé d'assassinat et rester en prison pendant 3 jours. Il paraît qu'il n'y avait pas contre lui la plus petite preuve. Évidemment, puisqu'il a été mis en liberté après un premier interrogatoire. Son arrestation était, m'a-t-on dit, le résultat d'un malentendu. Avez-vous lu les journaux de l'opposition à propos de cette affaire? Ont-ils assez tapé sur les magistrats, les juges d'instruction, etc.? En revanche, ils ont porté au nu notre ami Albert. Il était pendant un instant le héros du jour. « Si vous voulez, mesdames, » dit Antonine, « nous lui ferons une ovation quand il entrera. »« C'est convenu, » dit Adèle. « Je donnerai le signal. Hip, hip, hip, hurrah !»« Il me semble qu'on a sonné, » observa Pélagie d'Hermont. « Ce n'est pas dommage. Ces messieurs sont faux d'attendre. Ils ont pris la mauvaise habitude d'aller dans le monde et au théâtre avant de nous rejoindre. » Entre 11h et minuit et demi, le salon de Pélagie s'emplit outre mesure. Savary arriva un des derniers. Les femmes, ainsi qu'elles l'avaient projeté, l'accueillirent avec enthousiasme. Les hommes se montrèrent plus froids à son égard. En France, ce qui touche à la justice effraie. Toute personne qui a eu des démêlés avec elle est suspecte de prime abord. Un honnête homme passe en cour d'assises et sera acquitté, non seulement par le jury, mais par le public et par les consciences. Toutes les mains devraient se tendre vers lui et lui témoigner, par une chaude étreinte, l'intérêt qu'il inspire. Le regret qu'on a éprouvé de voir souffrir un innocent. Loin de là, on se détourne, on est froid, on hésite à saluer, on craint de se compromettre, on se dit « Moi, je le sais innocent, mais ce monsieur qui nous regarde croit peut-être à sa culpabilité. » « Si l'on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, a dit quelqu'un, je commençais par prendre la fuite, quitte à m'expliquer après. » Ces paroles ont un fond de vérité. S'agit-il de croire un crime? 100 personnes se lèvent. Est-il question d'une belle action? On ne trouve plus que des incrédules. Tant qu'on n'aura pas déclaré officiellement l'innocent de Le Surc, il se rencontrera des gens qui croiront encore à sa culpabilité. Et cette bizarrerie est facile à expliquer. Un homme est accusé d'un crime, aussitôt l'appareil de la justice est déployé. Agents de police, gendarmes, commissaires, magistrats entrent en campagne. Visites domiciliaires, scellées, arrestations souvent bruyantes, au vu et au su de tous, prison, rien n'est épargné. Dans les villes, tout le quartier au village, toutes les communes sont au courant de ce qui s'est passé. Des rassemblements se forment devant la maison de l'homme qui vient d'être arrêté. On montre sa famille au doigt, partout on s'entretient de son crime, et c'est à peine si quelques voix amies osent lever pour le défendre. Cependant, il arrive que ce prévenu n'est pas coupable. Les magistrats ont reconnu son innocence et s'empressent d'ouvrir sa prison. « Allez, lui dit-on, vous êtes libre, et il va. » Il retourne chez lui doucement, sans bruit. Ce qui vient de lui arriver l'a tellement surpris, tellement effrayé, qu'il n'a plus aucune assurance. Il se croit encore sous les verrous, menacé d'un procès criminel, sous le coup d'une accusation capitale. Il sonne à sa porte, il embrasse ses enfants éplorés, il rougit devant ses domestiques, il se retire, et de quelques jours peut-être il ne pourra ou n'osera se montrer. Ainsi, l'arrestation a été bruyante, connue de tous. Le retour au foyer est silencieux et souvent ignoré. L'arrestation est un acte matériel, un fait brutal, un spectacle que tout le monde peut voir. La délivrance, au contraire, est pour ainsi dire un fait négatif. L'entrée de Vibert et de Madame Vidal dans le salon de Pélagie d'Hermont ne fut pas trop remarquée. Depuis une heure déjà, les tables de jeu étaient dressées, les banques succédaient aux banques, et chacun défendait son argent avec trop d'acharnement pour prendre garde aux choses étrangères au jeu. C'est ce qu'avait prévu Vibert lorsqu'il était arrivé, le plus tard possible, chez Pélagie. Il se méfiait encore des forces de Julia, et il avait voulu aplanir devant elle les premiers obstacles. Il craignait que cette honnête femme, en se trouvant tout à coup en présence de ces femmes plus ou moins déclassées, ne pût pas cacher ses répugnances et son malaise. Leur langage et leur manière devaient blesser toutes ces délicatesses. Elle était capable de s'enfuir de ce salon et de renoncer à ses desseins. Mais d'une part, nous l'avons dit, les femmes qui jouent ne sont plus des femmes, elles sont devenues des joueurs. Leur conversation se réduit à ces mots qui appartiennent à tous les mondes, car on joue malheureusement aujourd'hui dans tous les mondes. Je passe la main, je tiens tout, je demande des cartes. Le roi est bon, l'as est meilleur. C'est le retour du 10. Encore un refait, selon ce que n'est insupportable, il n'y a que des refaits. Les cartes n'ont pas été battues. Banco, mon reste, etc. Puis, Julia n'avait jamais été conduite dans le monde par son mari. Si elle avait les grâces de la femme, elle avait aussi les ignorances d'une étrangère, née dans une ville de second ordre et élevée dans sa famille. Elle pouvait avoir des répugnances instinctives, mais bien des détails qui auraient choqué une Parisienne lui devaient échapper. Enfin, elle poursuivait sa vengeance avec toute l'ardeur de sa nature méridionale, la fougue de ses 22 ans, de son tempérament exalté. Peu lui importaient les souffrances d'amour-propre, les dangers que sa réputation pouvait courir, les dégoûts qu'elle allait éprouver. Tout cela s'effaçait devant l'ordre qui lui avait été donné par son mari mourant. Lorsqu'elle se sentira défaillir, ce n'est pas un flacon de sel anglais qu'elle tirera de sa poche, ce sera le carnet de Maurice Vidal, qu'à sa prière, le juge d'instruction lui a rendu, et elle y lira ces mots écrits avec le sang du seul homme qu'elle ait aimé. « Julia, venge-moi !»